Quand on se prénomme Charlotte, il suffit de 2-3 notes, de 6 cordes de guitare, d'une grosse caisse de fanfare, d'une cymbale et d'un casou, de gros lots au casou. N'oublions pas la crécelle ainsi qu'une tourterelle. Maintenant tout le monde est prêt, derrière moi on file un pied. Placez-vous pour le ballet. Attention, on va compter. Gardez votre main. Même les idiots savent.